Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va d'abord ouvrir le bulletin de sport local, d'abord en parlant des Saguenay qui ont défait hier les Huskies de Rouyn-Noranda de Gilles Bouchard par la marque de 6 à 2. À noter que le meilleur joueur du côté des Sags a été Nicolas Roy qui a marqué 2 buts et amassé 2 passes. Il y a également Dimitri Zoukenov qui a bien fait dans le cas des Saguenay. Il a marqué 1 but et amassé une passe. Joey Ratel et Kevin Clément ont marqué 5 passes pour le défenseur Frédéric Allard. A dit que Jimon Rutsoff a été blessé au genou et on pense qu'il pourrait être absent pendant une période indéterminée. Alors, on a vu sa tombe de Robertval hier, le match dans les catégories atomes 2B, victoire des Marquis, plutôt défaite des Marquis de Jonquière 2-1 sur les Sabres de Robertval. Dans la catégorie atomes B, gain des Castors de Dolbeau 6-2 sur les Sabres de Robertval. Et dans la classe A, à noter que Saint-Félicien a battu Métabetchouan par le pointage de 7-2. Maintenant, on va parler de la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo en fin de semaine. C'est la 6e édition de la classique hivernale. Et ce matin, on a parlé avec un des représentants, Stéphane Maltais, qui nous parle évidemment que cette classique avait commencé tout petit. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui veulent participer à cette classique. On s'est dit qu'avec les jeunes de Milo, on va faire un match classique hivernal. Ça fait qu'on avait des amis qui venaient de l'extérieur. Là, on a dit, là, d'habitude, c'est nous qui va jouer en ville. Mm. Fait que là, on a dit, on va faire venir la ville chez nous. Ça fait que ça a commencé de même avec un match amical là, de classique hivernal. Puis d'année en année, on a eu des demandes, puis des demandes, puis des demandes. Ça fait que là, on est rendu à 8 matchs. C'est possibilité on pourrait en faire sur 2 jours si on voudrait. Stéphane Maltais explique dans un deuxième temps que ce serait facile de faire d'autres matchs. Ben, quand on regarde un peu, là, quand on dit le mot classique hivernal, là, quand on regarde la Ligue nationale, le hockey junior majeur, l'an prochain, ils veulent faire un match Canada-États-Unis à classique hivernal. Ouais. Ça grossit tout le temps. Ça, d'année en année, là, l'idée est vraiment géniale. Donc, l'action va commencer demain à compter de 9h dans la catégorie pré-novice, alors que les Canadiens d'Alma vont affronter les Prédateurs d'Alma. Dans la pré-novice 2, les Guépards d'Alma contre les Loups de Dolbeau-Missassini. Dans la catégorie pré-novice 2 également, les Sharks d'Alma vont affronter les Castors de Dolbeau. À noter également que dans le novice B, les Aigles d'Alma vont visiter les Aiglons d'Alma. Atome A, les Condors d'Alma contre les Éperviers de Dolbeau-Missassini. Puis A, les Éperviers de Dolbeau-Missassini contre les Tritons d'Allemagne dans la catégorie Pee-Wee 2B. Les Bulldogs de Saint-Félicien à 16h30 vont affronter les Rapides de Dolbeau-Missassini. Et également dans la catégorie Midget A, les Janois d'Alma vont affronter les Loups de Dolbeau-Missassini. Donc ça aura lieu demain à Saint-Ludger de Milo. J'ai invité à la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Jason Lajeunesse, l'instructeur-chef des Sabres de Robertval. Également, on a parlé avec le nouveau dépisteur des Blue Jays de Toronto, Jasmin Roy, qui nous parle de son travail avec les Jays. Et également, je me suis entretenu aussi avec Hugo Maltais du hockey mineur de Robertval. Sport local et régional à danradiosport.com. À son équipe.